de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Que pourriez-vous faire pour sortir de votre train-train quotidien? Restez avec nous pour le savoir. Je suis actuellement au téléphone avec Tania. Tania, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Laura, c'est très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots nos auditeurs? Moi, je m'appelle Tania Benira, je suis une Ukrainienne. Je suis née à Odessa, au bord de la mer Noire. Et depuis les dernières à peu près dizaines d'années, j'ai vécu à Strasbourg. Et je suis un petit peu en vacances en ce moment, vers le retour à ses origines. Alors, comment vous avez connu la ville de Strasbourg? En fait, à un moment donné, je suis venue en Alsace pour faire une formation à Ovald. Et donc, c'était 2008. Et quand je suis arrivée en 2012, d'un coup, dans ce cadre de formation, j'ai retrouvé mon mari, mon futur mari. Et donc, après quelques années, en 2014, je suis venue et je m'installais à Strasbourg avec mon mari. Et voilà, et après, encore quelques années d'après, à force de changer complètement la nature, l'endroit, donc je suis quand même une fille de la mer, donc je connais que la mer et tout s'est passé dans ma vie autour de la mer. Et d'un coup, je me retrouve au milieu de la terre, entourée de forêts bizarres, sombres et humides. Et donc, c'était mon devoir de retrouver cet lien, un nouveau lien avec la nature, parce que je suis quand même une artiste. À la base, je suis un styliste et visagiste, donc je travaillais à la télé à Odessa à l'époque. Donc j'ai terminé l'école d'art et de théâtre, donc j'ai quand même un regard artistique bien visé. Et donc j'ai commencé quand même à chercher à voir la beauté des expressions, les tissus, les matières, les formes complètement différentes et passionnantes aussi. Et à fur et à mesure, il s'est passé la magie. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé vraiment à voir quelque chose qui se cache derrière les apparences, les choses plus subtiles, encore plus artistiques, qui m'a vraiment passionnée et apporté beaucoup de sens à ma vie à Strasbourg et dans les alentours, dans les Vosges, dans les autres parties de la France. Alors justement, voilà. Que pensez-vous des Vosges? Oh, j'adorais les Vosges, j'aime beaucoup la nature. Et en effet, ça m'étonne parce que je découvre que j'ai commencé à aimer les forêts, j'ai commencé à aimer les montagnes. Et surtout, j'adore les villages, j'adore Alsace parce que ça m'a frappé la première fois les villages. Parce que j'avais l'impression que c'est pas possible parce que c'est très beau. Ça ne peut pas être comme ça, parce qu'en Ukraine, c'est pas du tout pareil. Donc, j'étais vraiment impressionnée. Et donc, pour moi, c'est vraiment la beauté sublime de se promener dans les Vosges, dans les montagnes, passer le temps dans les villages. Surtout avec la bonne cuisine française. Donc, j'adore la France et... J'adore la langue française, c'est pour ça que ça m'a aidé aussi d'apprendre assez facilement la langue française, parce que nous savons, dès qu'on aime les choses, on apprend vite. Oui, il paraît que le français, c'est l'une des langues les plus dures à apprendre après le chinois. Oui, et après le russe aussi, parce que c'est pas la même construction, c'est pas le même principe. Alors, depuis quand vous êtes découvert une passion pour la photo? C'est à peu près, je peux dire, ça a commencé 2016 et 2017, et elle a commencé vraiment à ressortir quelque chose. Donc, à fur et à mesure, j'ai commencé à classer les photos, ceci grâce à mon mari, parce que c'est lui qui, je lui ai montré mes images, et c'est lui qui a commencé à dire, ah non, c'est vraiment intéressant, ça devient encore plus intéressant. Et maintenant, il faut quand même faire quelque chose avec. Et donc, j'ai pris un vrai appareil et c'était commenter si ça va quelque chose ressortir encore plus intéressant ou ça va s'étouffer tout simplement. Mais non, et il a commencé vraiment à ressortir des choses impressionnantes, comme un personnage à partir de qui tout est commencé. Ça s'appelle le troll Commandant dans la galerie Les créatures magiques de la forêt. C'est vraiment un personnage, c'est comme un personnage existentiel. À partir de lui, c'est comme vraiment un commandant qui a dit, bon, d'accord, vas-y, ça va vraiment s'ouvrir quelque chose, ça va, la nature, elle va t'ouvrir quelque chose, elle va te montrer quelque chose. Et voilà. Et depuis 2021, je ne sais plus déjà, j'ai fait une première exposition chez nous tous, chez Strasbourg, c'est une église Saint-Pierre-le-Vieux. Et c'était formidable parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. C'était très beau et très touchant pour moi parce que j'ai vu et j'ai parlé, j'ai partagé beaucoup avec eux et j'ai vu comment ils raisonnent, comment ils découvrent, comment ils touchent, comment ils sont touchés par ces œuvres photographiques. Et j'ai beaucoup appris à partir de leur partage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut dire et pourquoi, quel sens de ce projet. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la photographie? Ce qui me plaît le plus, en effet, c'est la possibilité de, à travers les photos, vraiment, comme arrêter un instant, arrêter et retrouver ce que j'ai retrouvé de faire vivre à travers les photos ce personnage, cet instant qui ne peut plus exister dans quelques instants, parce que je fais une expérience avec le troll commandant, donc c'est un endroit que je connais bien dans le Ovalde, dans les Vosges, et donc je suis revenue dans un an pour retrouver ce personnage, s'il existe encore. Et je l'ai photographié, il a encore existé, mais c'était vraiment pas du tout le même trait, le même personnage que j'ai retrouvé il y a un an. Et après encore quelques mois, il n'existe plus rien. Donc c'est voilà ce que j'apprécie. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'utilise les photos, parce que cela me permet de je sais pas comment vraiment dire, mais vraiment de photographier comme s'incarner, comme faire cette image, cette existence matérielle à travers l'image que j'ai pu montrer aux autres, montrer au monde, et ils peuvent être touchés et retrouver aussi beaucoup de bien à travers ces images. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première photo? Oui, c'était toujours... C'était toujours dans les Vosges, c'était une photo que j'ai faite juste comme ça, parce que j'aimais qu'est-ce qui s'exprimait. Mm-hmm. Mais en effet, à travers cette photo, j'ai vu qu'il y a une apparence qui est apparue. C'était un dragon. Et c'est ça, d'un coup, ça m'a vraiment frappé. Donc c'est pas la première, mais en tout cas c'est celle qui m'a vraiment frappé, qu'il existe quelque chose juste derrière les mousses, derrière les rochers, derrière l'eau. Il existe quelque chose qui est encore plus vivant, plus subtil. Vous prenez quoi en photo? C'est la nature, mais plutôt tout ce qui s'exprime à travers de la nature, parce qu'à travers mes œuvres, on peut découvrir différentes apparences, différents personnages, même mythiques ou même créatures maléfiques. Oui. Donc sur mon site, oui, il y a plusieurs galeries avec différentes thématiques, comme les créatures magiques de la forêt, même il y a des messieurs, il y a les personnages mythiques, il y a des masques, et donc il y a aussi créatures maléfiques, donc il y a plusieurs choses à découvrir, mais il y a à une galerie qui s'appelle la galerie des fans. Donc c'est en effet c'est ça ce qui se passe, c'est une magie que j'aime et j'apprécie beaucoup à travers ce projet, que beaucoup de monde qui entre en contact avec mes œuvres, ils commencent à être plus attentifs dans la nature. Et après, ils me disent, alors, c'est fini, on n'arrive plus à marcher tout simplement, balader tranquillement dans la forêt. Maintenant, on observe, on cherche, on est plus attentif pour trouver quelque chose, pour capter quelque chose plus vivant. Et donc, ils m'envoient les photos après. Et donc, les photos qui pleut. Passionnante, je le mets sur mon site dans la galerie des femmes. Mmh. Alors ouais. Depuis quand vous vivez de votre art? Depuis quand vous vivez en tant que photographe? Depuis 2020 à peu près, comme ça. D'accord. Vous avez fait des études pour être photographe? J'ai fait les études, une petite étude ici à Strasbourg. Mais avec un photographe professionnel. Mmh. Je fais une étude directe comme ça avec lui. Est-ce que vous avez d'autres passions en dehors de la photo? Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup quand je suis quand même, je reste une styliste et maquilleuse. Donc j'aime beaucoup et je continue pour mes proches, ceux qui ont encore besoin d'une aide. Donc. J'adore faire le tri des garde-robes, j'adore faire le shopping, j'adore créer un look, j'adore faire un cours de maquillage aussi. Ça, j'aime beaucoup partager ce que j'aime et ce que j'ai appris. Et j'aime bien sûr la nature et j'adore la mer, mais voilà, maintenant j'adore la forêt et les montagnes. Une nouvelle passion qui est apparue. Et bien sûr, j'adore les voyages. Vous avez pris combien de photos depuis que vous êtes photographe? Pas mal. Je sais pas. En tout cas, sur mon site, il y a plus que centaines de photos. Mais c'est les photos que j'ai choisies qui sont destinées exactement pour ce site et pour ce projet. Mais bien sûr, il y a plusieurs photos que je fais par ailleurs avec mon portable. Ça je compte pas. Vous utilisez quoi comme matériel? J'ai un appareil photo, une appareil photo Canon. Est-ce que vous utilisez des logiciels de photomontage après ou pas? Non, je suis pas du tout technicienne. Donc c'est ça ce qui parfois se passe les choses, parce que les gens quand même parfois insistent même que quand même ici vous avez rajouté un œil, mais je dis j'ai même pas utilisé correctement Photoshop parce que je suis pas une technicienne et j'utilise tout simplement ce que j'ai appris, un logiciel qui s'appelle Lightroom, qui permet de faire un chromie. Et donc, le principe et du sens, et le sens de mon projet, c'est vraiment, je propose les photos qui sont presque, donc, elles sont traitées par le chromie. Donc, je rajoute pas des éléments, donc les personnages même, ils sont comme ils sont dans la nature. Donc, voilà, j'utilise pas les artifices, les retouches, et je transforme pas mes images. Ah, c'est bien, au moins c'est naturel. Oui, c'est ça le sens et le but, c'est de montrer que la nature est comme une personne qui a laissé sur Livre d'or un partage qui m'a beaucoup frappé, qui explique vraiment le sens et pour le but de ce projet. C'est que à partir de ces œuvres, on peut voir, le but, c'est vraiment à travers ces œuvres de voir que la nature, elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus subtile qu'on les considère. Donc, c'est pour cela que c'est le but de montrer la nature comme elle est, à travers ce qu'elle veut exprimer, partie plus subtile, plus invisible. Alors nous allons faire une pause musicale avant de continuer de faire connaissance avec vous, Tania, et on se retrouvera juste après. À tout de suite sur RGM. voici de retour avec Tania via nos ondes par le 107 FM, par notre site internet et les applications mobiles Orange Radio et Radio Line. Vous pouvez nous emporter partout avec vous via la plateforme Deezer. Tania, est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées type ? Oh, sûrement, ça dépend des journées. Par exemple, oui, ça change, c'est vraiment ça change. Parfois, si j'arrive, si je décide d'aller et faire les prises de vue, et si je vois qu'il fait beau, donc je préfère aller. Ça dépend aussi des jours, je veux dire, si c'est hiver, si c'est printemps, été, donc, mais je préfère aller quand il y a quand même un coup de soleil, parce que dans la forêt, il est sombre déjà assez, donc j'ai besoin, et vraiment, la lumière, elle change beaucoup, il joue beaucoup sur l'image, et donc c'est une partie très importante. Et puis, si je ne vais pas à la forêt, donc souvent je traite mes images, parfois je travaille sur mon site, je rajoute des images, je fais des actualités, ou je fais une annonce d'une exposition, donc voilà, elle est à ce travail-là. Et puis, je travaille aussi, souvent, je faisais à Strasbourg avec mon amie Clémence un cours de yoga de Samara, donc c'est aussi c'est les formations dont je fais ici en France, c'est une partie des formations. Donc, souvent, je travaille sur cette discipline. Et puis, à un moment donné, ici, j'ai repris mes cours de Hatha Yoga. J'essaie de bien marcher aussi. Souvent, je fais les randonnées, mais c'est à part. Je ne mélange pas les photos et les randonnées. Donc, c'est deux choses différentes. Et puis, parfois, j'aime lire aussi. Je travaille sur mon mémoire en ce moment aussi. Donc, c'est mémoire aussi pour devenir professeur sur yoga de Samara et coach bien-être. Donc, voilà un peu différents types de choses. Et après, il y a la vie. Mm-hmm. Il y a les courses, les choses à faire quotidiennes. Oui, qu'on fait en général dans la vie. Après, je laisse un peu mon temps pour s'occuper de ma vie personnelle, familiale, pour échanger avec mes amis, mes proches. Voilà, à peu près comme ça. Et après, bien sûr, j'ai normalement mon journée, oui, les choses essentielles, que ma journée, elle commence à partir d'une méditation. Voilà, on médite ensemble avec mon mari. C'est un bon début de matinée avec quelques exercices énergétiques, voilà, quelques arcanas que je fais. Donc, je fais une petite préparation pour bien entrer dans la journée, dans mon bon humeur, avec bon état d'esprit. Mm-hmm. Ça aide. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez une période de la journée qui est plus intéressante à prendre en photo qu'une autre, comme le lever du jour ou la tombée de la nuit, par exemple ? Oui, j'utilise que plutôt la journée, donc la journée avec le soleil, je préfère. Donc, si c'est hiver, je préfère aller faire la prise de vue plutôt à la matinée ou en tout cas début d'après-midi. Pour l'hiver, c'est plutôt comme ça parce que la nuit tombe tôt. Et pour l'été, c'est un peu plus large, donc ça peut être même l'après-midi, parce que le soleil, il est assez haut, il brille bien, donc à peu près comme ça. Alors, si vous ne pouviez ne prendre qu'une seule photo pour le restant de votre vie, vous photographieriez quoi ? C'est toujours pareil, j'aimerais bien toujours retrouver des apparences qui s'expriment dans la nature et plus. Plus qu'il s'exprime, plus ça me réjouit, plus c'est impressionnant, plus on peut lire et comprendre ce monde qui existe au-delà de nous, plus c'est ma passion. Alors si votre vie était une photo, elle ressemblerait à quoi ? Ça me vient tout de suite la mer, mais je pense que c'était pas juste la mer, c'était la mer, la nature, les amis et tout ce qui me projetait, beaucoup d'amis avec un lieu où nous sommes tous retrouvés pour partager des choses essentielles en lien avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui est plus inférieur et plus supérieur de nous. Je pense que c'est ça l'image. Alors, est-ce que vous pensez, comme moi, que la photographie est la plus belle des manières de lutter contre le temps qui passe ? Non, je ne crois pas qu'il faut lutter contre le temps qui passe. Bah, elle arrête le temps, disons. Oui, la photo, elle arrête le temps, mais je pense que c'est bien l'utiliser quand il est utile. Donc, dans mon métier, c'est vraiment utile d'arrêter. C'est plutôt, pour moi, c'est pas arrêter le temps, c'est arrêter l'instant qui me permet d'attraper vraiment quelque chose de subtil et essentiel. Mais je pense que le temps, c'est bien comme il est, et c'est bien que, je pense que la meilleure façon, c'est d'être en flux de la vie et attraper le bon temps, attraper les kairos, comme on dit parfois. Et donc, le temps, je pense que la meilleure façon, ce que j'ai appris, surtout en France, c'est structurer mon temps, planifier mon temps. Et c'est vraiment très important parce qu'on utilise bien le temps. Cela nous permet vraiment d'attraper ce fameux kairos, donc attraper les possibilités, les différents types de plaisir, d'ouverture de la vie et profiter de la vie dans ces instants qui peut se reproduire spontanément devant nous. Donc, c'est pas quelqu'un qui échappe le temps. Disons que ça le fige. C'est figé dans le temps, quoi. C'est vous prenez une photo et le temps, il peut pas vous le voler, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Je fige des beaux instants. Des beaux instants de ce temps. Mais ces beaux instants, ils peuvent se représenter dans n'importe quel moment dès qu'on est attentif. Alors, est-ce qu'une photo peut avoir plusieurs significations? Bien sûr, une photo, c'est toujours comme la vie. C'est chacun voit son propre truc, chacun projette un peu de soi-même, comme de tout ce qu'on voit autour de nous. C'est pareil pour les photos, donc c'est pareil pour mes œuvres. Parfois, la majorité des gens, ils voient la même chose à peu près, mais parfois, vraiment, chacun peut voyager et découvrir différentes type d'expression, différents types d'images, d'apparence. Il peut toujours voir son propre image, son propre expression. D'accord. Donc ça dépend des personnes vraiment. Donc chaque visiteur peut avoir une vision différente sur vos photos, sur une seule photo par exemple. Oui, et c'est ça le but. Et je laisse chacun d'être libre. Je donne le titre pour chaque photo. Mais je laisse chaque visiteur d'être libre, de voyager, découvrir par soi-même, ou même voir ou pas voir, et c'est pas obligé. Est-ce qu'une photo peut provoquer plusieurs émotions en même temps? Oui, ça peut provoquer plusieurs émotions. Parfois, ça peut provoquer la peur. Parfois, ça peut provoquer... les gens peuvent être extrêmement touchés. Mm-hmm. Mais en majorité, les gens touchés dans sa beauté, dans sa mémoire avec les choses qu'on a oubliées par rapport à soi-même, par rapport à la nature même. Parfois, ça provoque même les larmes. J'ai vu une personne qui était tellement touchée, elle m'a dit, elle était vraiment... Elle m'a perturbée dans son centre émotionnel. Elle m'a dit, mais vous t'inquiétez pas, c'est des belles émotions. c'est vraiment, c'est tellement beau. Elle a eu du mal à mettre les mots par-dessus. Mais elle a dit, mais c'est tellement beau et je suis touchée autant. Donc, c'est une très belle émotion. Donc, ça provoque différents types d'émotions, mais vraiment, ça peut provoquer la peur parce qu'une fois, un monsieur, il était vraiment frappé par la peur. Il avait l'impression, il a dit, mais c'est dommage, vous avez telle belle image, mais c'est dommage parce qu'ici, je vois la mort. et par contre, je trouve pas que la mort, oui, l'être humain, on a peur de la mort quand même, mais je ne pense pas que la mort, c'est notre ennemi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur devant elle. Et pourtant, d'autres peuvent avoir dans la même image, elles peuvent voir un poisson, elles peuvent avoir, je sais pas quoi, un alien. Mmh. Voilà, donc, c'est vraiment personnel. Oui, puisque j'en ai vu une sur votre site internet, ça ressemble un peu à une tête de mort. Et c'est dingue ce que la nature, elle peut, je sais pas, on a chacun une vision sur la photo, mais il y en a une, je trouve qu'elle ressemble à une tête de mort. Mais je sais pas si ça dépend de quelle. Oui, ça dépend parce que il y a certaines personnes qui voient tête de mort sur le, c'est dans la galerie personnages mythiques, j'ai appelé le Sylvanus. Et donc oui, certains voient la tête de mort là-dessus. Et un autre monsieur, il a vu la tête de mort, c'était un sol, j'ai l'impression qu'il a vu sur le, mon personnage préféré. Mon personnage préféré, mon... j'oublie. donc, il y a un autre personnage, bon, je vais voir sur le site, mais oui, ça dépend des personnes, et il est vrai qu'on peut, on peut voir de, dans les différents personnages. Et vous avez vu dans quelle image vous avez vu la tête de mort? C'était... Si vous vous souvenez. J'ai vu ça parce que sur votre site, vous avez une vidéo, vous avez été sur Vosges TV et ils montraient justement une photo où, enfin, c'était un agent d'accueil du musée qui montrait une photo où ça ressemblait à une tête de mort, mais c'est comme si c'était sous une racine d'arbre en fait. Je sais pas. Oui, c'est le troll commandant. Voilà, oui, c'est mon personnage préféré. Le troll commandant, il est vrai que ça dépend des personnes. Parce qu'exactement dans cette image, on peut voir différentes choses. Donc, comme je dis, les gens peuvent voir, ils disent qu'ils voient un poisson. Et même quelqu'un m'a dit, ah, je dis oui, c'est intéressant. Parce que quelqu'un a vu la tête de mort, elle m'a dit, ah oui, c'est bizarre parce que pour moi, il me fait rire. Quelqu'un arrive devant cette image. Donc, elle a vu, ah, c'est bizarre parce que pour moi, il rit. Donc, c'est exactement... Exactement, pas pareil. Et ça montre à quel point on est différent, à quel point on aborde le monde, les êtres et les autres de façon différente. Quelle est la plus belle photo que vous ayez pu prendre? Pour moi, elle reste toujours le troll commandant. C'est vraiment, c'est mon personnage préféré. Et c'est comme un guide dans ce projet La Nature qui parle. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui. Oui, je voyage pas mal à partir de quand je suis arrivée en France. C'est vraiment comme jamais. Je voyage vraiment comme jamais et j'apprécie ça beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît le plus lors de vos voyages? Les nouvelles cultures, les nouvelles rencontres? En fait, j'aime tout. J'aime surtout les paysages. J'aime regarder les villes, les grandes villes, l'architecture. J'aime bien aussi voir les gens, à quel point ils sont différents, à quel point ils sont pareils, à quel point, comme d'habitude, tout est différent, mais on trouve toujours les points en commun de partout. Et j'adore bien sûr de découvrir la cuisine et à travers la cuisine, découvrir chaque pays. Et je pense aussi le visage de chaque cuisine, le visage de chaque pays, c'est la cuisine aussi. Mais je préfère aussi la nature quand même. Alors vous exposez quelques-unes de vos œuvres au musée des Mille et Une Racines à Cornimont depuis le 10 juin, mais vous avez aussi exposé à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'ai exposé en Russie cet hiver. C'était vraiment impressionnant. J'ai retrouvé une fenêtre, je suis entrée dans une fenêtre et après, dès que je suis sortie, cette fenêtre s'était fermée parce que dans quelques jours, elle a commencé ces événements entre la Russie et l'Ukraine. Difficile. Et donc, oui, en Russie, j'ai fait 3 expositions à Saint-Pétersbourg. J'ai beaucoup apprécié, j'étais déjà dans cette ville à la fin de l'année 90, le siècle dernier. Donc j'adore cette ville, elle est vraiment magnifique. J'ai aussi quelques amis là-bas, donc c'était très touchant et j'ai beaucoup apprécié d'avoir exposé mes œuvres là-bas. Et puis, oui, là, c'est un seul pays où j'ai pu exposer. Et voilà, je cherche une autre possibilité d'exposer dans les autres pays. J'aimerais bien de le faire comme en Suède, par exemple, parce que c'était ce printemps, j'étais en Suède et j'ai adoré la Suède et la nature, c'est impressionnant. Et donc, je cherche les moyens de le faire encore à l'étranger. Alors, nous allons faire une dernière pause musicale avant de parler de l'exposition de vos photos au musée des Mille et Une Racines à Cornimont. Et on se retrouvera juste après. À tout de suite sur RGM. I swear that you've seen me, yes, you've seen me here before, and so don't tell it otherwise. This voice, this particular voice, yes, you've heard it before. And so, don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before, and I won. You felt this feeling, tell me, don't be ashamed, you felt it before, and so don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot that where I'm from, we see the rain before the rain even starts to rain. Before I was born, there was a storm. Before that storm, there was fire burning everywhere, everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. So that when I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me, 'cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before. And I won. I'm sending my condolence, I'm sending my condolence to thee. I'm sending my condolence, I'm sending my condolence. For what you might say, might bring. te mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. De retour avec Tania pour parler de l'expo qui se tient depuis le 10 juin et jusqu'au 15 septembre au musée des Mille et Une Racines à Cornimont. Mais avant ça, Tania, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? En fait, c'est les, ça m'a venu quand j'ai pensé qu'est-ce que j'aimerais bien présenter pour cette émission. Et d'un coup, il est apparu ces trois morceaux musicaux. Donc le premier, c'était valse, que j'ai adoré en effet dans mon enfance, mon adolescence plutôt. Il y avait un film encore qui vient d'un cinéma URSS, l'époque URSS, et donc il y avait cette valse qui, le compositeur c'est Doga, c'est un compositeur de Moldavie, d'ailleurs maintenant je suis à Roumanie, pas loin, non plus de Moldavie. Et j'adore cette valse, c'était très touchant le morceau dans ce film. Et puis la deuxième composition, c'est Benjamin Clémentin, c'est un chanteur qui vient d'Angleterre. Et ça m'a frappé sa musique. Récemment, c'est vraiment en lien avec la création de mon projet et la première exposition. Donc c'était quelque chose qui, pour moi, c'était comme une touche tellement artistique, tellement une touche de liberté que j'ai, qui se m'a mis bien en lien avec mon projet. Donc c'était la deuxième morceau que j'adore vraiment. Et la troisième, c'est Bocelli, c'est un chanteur classique italien que j'aime depuis un certain temps, depuis à Odessa encore, quand j'étais déjà adulte, j'ai retrouvé sa musique et sa voix, et j'ai retrouvé c'est formidable, et ça m'a venu aussi, et surtout qu'il lui-même est surtout un chanteur aveugle, et je pensais que c'est vraiment très bien faire le lien entre cette exposition Le Peuple Invisible et chanteur Bocelli qui est aveugle. D'accord. Je trouvais que c'est beau. Alors pourquoi ce nom de Peuple Invisible pour l'exposition? En effet, c'est exactement ce qui nous permet cette exposition, c'est découvrir ce peuple qui en général il se cache derrière les arbres, il se cache derrière ou à l'intérieur des rochers même, il se cache derrière tout ce qui nous considère comme les choses matérielles même. Et grâce à cette exposition, ça nous permet de vraiment découvrir ce peuple, ce peuple invisible qui devient d'un coup visible grâce à la nature qui permet de voir toutes ces expressions. Comment vous avez été mise en contact avec Élodie, qui est la présidente du musée des Mille et Une Racines? Oui, c'était aussi une histoire... une anecdote drôle comme ça. Et donc c'était pendant une exposition à Bio-Bernay, donc à Aubernay, Salon Bio, et donc pendant cette exposition, plusieurs personnes qui m'ont parlé sans cesse. Un musée, Mille et Une Racines, dans les Vosges. Et donc, première fois, j'ai écouté, j'ai laissé passer, j'ai rien compris. C'est quoi ce musée? Bon, dernière fois, quand j'ai commencé à nouveau à redire la même chose, donc j'ai pris quand même les notes. Et donc, ils m'ont dit à tous, mais il faut que vous les contactiez parce que c'est carrément dans votre esprit. Mm-hmm. Ce musée-là, et donc, ce que j'ai fait d'ailleurs, dès que là, Salon Bio est terminé, donc j'ai contacté le musée, donc Élodie et toute son équipe, ils sont bien raisonnés avec mes œuvres, donc ils m'ont donné d'accord, et on a retrouvé les dates, et donc tout s'est passé de façon formidable, et un super bon contact humain, donc c'était vraiment une chance de faire cette expo chez eux. Il y a combien de photos exposées au musée des Mille et Une Racines? J'ai l'impression que c'est à peu près 16. D'accord. Et la taille des photos? La taille, c'est vraiment c'est différent parce que ce que je propose toujours à mes visiteurs et à mes clients, je propose toujours différentes tailles d'œuvres. Donc ça peut aller jusqu'à 1 mètre 50. Ah oui. Mais ça peut être aussi les petites œuvres jusqu'à 20 cm par 30. Et ça peut être aussi différents types d'impressions. Ça peut être l'étoile, ça peut être les caisses américaines et ça peut être impression photo qu'on met tout simplement dans un cadre. Est-ce qu'on peut acheter quelques-unes de vos œuvres ou pas? Bien sûr, ça fait pour cela. On peut acheter directement sur l'exposition. J'ai laissé une petite fiche de précommande, on peut le remplir parce que les œuvres on peut récupérer une fois l'exposition est terminée, ou sinon on peut passer par le site. Il y a aussi une fiche précommande qu'on peut m'envoyer par le mail, donc on peut toujours me contacter de façon directe. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ou futurs après l'exposition? Oui, elle était prévue, la prochaine exposition, elle était prévue à Mulhouse, ça s'appelle Ma Planète Bio, au milieu de novembre, et puis une exposition qui aura lieu à Paris, c'est un endroit qui s'appelle le Citizen, dans la forêt de Paris. Et donc, voilà, deux expressions qui ont prévu, les autres qui sont en route. Et voilà, en ce moment, il y a aussi deux autres expositions qui... Non, il y a même deux expositions à Strasbourg, dans une boutique... dans une boutique et dans une autre, bon, je ne vais pas citer. Et aussi dans le château Val-de-Loire, château de Champ-Chavrier. Donc voilà, maintenant il se passe quatre expositions en ce moment-là. D'accord. En France. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site internet ou est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, on peut me retrouver sur le site internet. C'est taniabinera.photo, mais aussi on peut me retrouver sur Instagram, c'est Tania et Tania flèche de bas et Binera. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Tania? On peut me souhaiter des bonnes inspirations, bons contacts et que la nature continue à s'exprimer à travers moi et découvrir et il va me permettre de découvrir comme moi tous les autres encore plusieurs belles apparences, que je puisse enrichir ce monde et permettre à ce monde d'entrer encore plus avec le contact, à travers le contact avec la nature, entrer en contact avec soi-même et avec tout l'univers et tout ce qui nous entoure, être en harmonie avec soi-même et avec le monde. Ah, c'est très joli. Merci. Alors, cette émission est maintenant terminée. Tania, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. J'étais contente de partager avec vous. J'espère que vous aurez de nombreux visiteurs qui iront voir votre exposition photo au musée des Mille et Une Racines à Cornimont. Rappelons qu'il est possible d'aller les voir jusqu'au 15 septembre. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.